Quand tout le monde eut vu l'agonisant, on passa à la collation. Mais, comme on était trop nombreux pour tenir dans la cuisine, on sortit la table devant la porte. Les 4 douzaines de douillons, dorés, appétissants, tiraient les yeux, disposés dans 2 grands plats. Chacun avançait le bras pour prendre le sien, craignant qu'il n'y en eût pas assez. Mais il en resta 4. Maître Chicot, la bouche pleine, prononça. « Si nous veillait le paix, ça lui ferait deuil. C'est lui qui les aimait de son vivant. » Un gros paysan jovial déclara. « Il n'en mangera plus à 7 heures, chacun son tour. » Cette réflexion, loin d'attrister les invités, sembla les réjouir. C'était leur tour, à eux, de manger des boules. Madame Chicot, désolée de la dépense, allait sans cesse au cellier chercher du cidre. Les bros se suivaient et se vidaient coup sur coup. On riait maintenant, on parlait fort, on commençait à crier, comme un cri dans les repas. Tout à coup, une vieille paysanne, qui était restée près du moribond, retenue par une peur avide de cette chose qui lui arriverait bientôt à elle-même, apparut à la fenêtre et s'écria, d'une voix aiguë, « Il a passé ! Il a passé !» Chacun se tut. Les femmes se levèrent vivement pour aller voir. Il était mort, en effet. Il avait cessé de râler. Les hommes se regardaient, baissaient les yeux, mal à leur aise. On n'avait pas fini de mâcher les boules. Il avait mal choisi son moment, ce gredin-là. Les Chicots, maintenant, ne pleuraient plus. C'était fini. Ils étaient tranquilles. Ils répétaient. Je savions bien que ça ne pouvait point durer. Si seulement il avait pu se décider cette nuit, ça n'aurait point fait tout ce dérangement. N'importe. C'était fini. On l'enterrerait lundi. Voilà tout. Et on remangerait des douillons pour l'occasion. Les invités s'en allèrent, en causant de la chose, contents tout de même d'avoir vu ça, et aussi d'avoir cassé une croûte. Et quand l'homme et la femme furent demeurés tout seuls, face à face, elle dit, la figure contractée par l'angoisse, « Faudra tout de même recuire 4 douzaines de boules, si seulement il avait pu décider cette nuit. » Et le mari, plus résigné, répondit, « Ça ne serait pas à refaire tous les jours. »